France Inter, le 13-14. Le vif de l'histoire, juste avant 14h, avec Jean Lebrun. Le juin français, l'histoire d'un mouvement social qui a marqué la Bretagne, et pas seulement. 1er mai 1972, il y a 50 ans donc. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais la classe ouvrière française est à son sommet. Et on est au plus haut d'un cycle économique qui va se retourner dans les années qui suivent. Mais après 68, les travailleurs ont obtenu des augmentations, la reconnaissance de la section syndicale. Et c'est sous le mandat du président Pompidou, 69-74, que s'effectue enfin la mensualisation de leur salaire. Et jamais non plus les ouvriers n'ont été aussi nombreux, Jérôme. L'industrie est allée chercher de la main-d'œuvre, non seulement dans l'immigration, mais chez les femmes et les provinciaux, par une politique volontariste de décentralisation des usines. Et dans ces défilés du 1er mai 72 est évoqué sans cesse le combat des ouvriers, surtout des ouvrières, de l'usine du Joint français à Saint-Brieuc, combat proche de la victoire à cette date, et qui fait l'objet à Saint-Brieuc en cette année 2022 de toute une semaine de réflexion, exposition et projection. Alors le Joint français s'était installé à bas prix, 10 ans plus tôt, 62, à Saint-Brieuc. C'était une des 115 filiales de la CGE, 6e groupe français. Son usine de production de joints divers, en caoutchouc et autres, à Beson, s'était avérée trop étroite et elle avait tiré parti des incitations financières de l'État et surtout du don quasi gratuit par la municipalité de 14 hectares à l'extrémité de l'agglomération. À l'époque, quand on présentait les succès des implantations en région, on insistait guère sur une de ces explications, le faible coût de la main-d'œuvre provinciale, encore rurale, largement féminine, et qu'on pouvait renouveler comme on voulait par un fort turnover. Des salaires de 20 à 40% moins élevés qu'en région parisienne. On est les petits bretons, disaient les ouvriers du Joint français, et d'abord les ouvrières, mais tout de même, mars 72, la grève est votée, puis l'occupation. Et le conflit va durer 8 semaines et beaucoup occuper l'attention de l'opinion. Alors, lorsque le préfet fait évacuer l'usine, le grand quotidien Ouest-France publie en une la photo d'un ouvrier qui empoigne un CRS. Tous deux sont des copains d'enfance, même école, même village. On reproduira beaucoup ce cliché dans La Cause du Peuple, le journal maoïste, et ailleurs, avec cette légende, vivre et travailler au pays. Le siège parisien ne veut rien concéder. Le 5 avril, le directeur de Saint-Brieuc, qui ne dispose en réalité d'aucune autonomie, se retrouve retenu dans un climat assez hostile. J'ai envie de lui casser la tête. Et si on prenait un couteau? Les propos que rapporte le journal maoïste, La Cause du Peuple donc, rappellent le vocabulaire de la chasse et des abattoirs qui sont familiers aux ouvriers bretons. Alors, l'opinion aujourd'hui en serait peut-être émue, mais à l'époque, le soutien aux grévistes du Joint français est à peu près unanime. La municipalité de Saint-Brieuc, très investie, est tenue par le PSU, c'est un petit parti de la gauche autogestionnaire, très faible dans le reste du pays, mais très fort dans les Côtes-du-Nord et le Trégor. Le leader CFDT, Jean Le Faucheur, parle comme il l'entend depuis le balcon de l'hôtel de ville. Les caisses de soutien se remplissent du produit des quêtes dans les églises. Les agriculteurs apportent leur production. Ça serait inouï aujourd'hui. Les étudiants de Rennes et les lycéens de Saint-Brieuc manifestent. Les grévistes vont obtenir l'augmentation de salaire demandée, mais l'opinion aura aussi entendu l'autre revendication, la demande d'un travail qui ait un sens. Autrement dit, un travail où l'OS lui-même, bien qu'au plus bas de l'échelle des classifications, puisse achever ses gestes et pas seulement les répéter. Bref, un travail, dit un des ouvriers du Joint français, et pas seulement une production. Et la mémoire du Joint français demeure? Ben oui, mais les investisseurs en tout cas n'ont pas la mémoire courte. Le nom de Joint français a été longtemps pour eux un repoussoir et le développement industriel de Saint-Brieuc ne s'en est pas trouvé facilité. Dans l'opinion, au niveau national, la marque Joint français a été éclipsée dès l'année suivante par le conflit de Lippe à Besançon qui présentait à peu près, mais en plus grand, des caractéristiques proches. C'est au niveau régional que le souvenir demeure fondateur. 70, un livre de Morvan Lebesque avait recueilli un grand succès. « Comment peut-on être breton » demandait-il. En plein milieu du conflit, les indépendantistes du Front de Libération de la Bretagne On fait sauter la villa qu'avait fait construire Francis Bouygues à Saint-Coulon et qui pour lui était le prélude à des achats spéculatifs sur la côte d'Émeraude. Exploitation de l'homme, exploitation de la nature. Un an plus tard, la Moco Cadiz déversait sa cargaison de mazout et le gouvernement lançait son projet de centrale nucléaire à Plogoff. La réponse des Bretons, on le sait, ne fut pas celle du FLB, elle fut autrement mieux portée par les artistes qui avaient été très nombreux à entrer dans la bataille du juin français. Stivel, qu'on reçoit de nouveau dans les scènes parisiennes, était déjà à son poste, et puis Gilles Servat. C'est l'époque, vous vous souvenez, Jérôme, de la Blanche Hermine. La voilà, la Blanche Hermine. La Bruyère et la Jonc, ces folies d'être enchaînés plus longtemps. À Saint-Brieuc, cette semaine, Jean, autour de ce conflit du juin français, un colloque au campus Mazier, du nom du premier maire PSU, vous en parliez, de cette ville de Saint-Brieuc, soirée de projection de films, une exposition au musée de la ville également. Merci à vous, Jean, à demain. France Inter.